Chapitre 5e, quand Tartarin de Tarascon allait au cercle. Le chevalier du temple se disposant à faire une sortie contre l'infidèle qui l'assiège, le tigre chinois s'équipant pour la bataille, le guerrier Comanche entrant sur le sentier de la guerre, tout cela n'est rien. Auprès de Tartarin de Tarascon, s'armant de pied en cap pour aller au cercle, à 9h du soir, une heure après les clairons de la retraite. Branle-bas de combat, comme disent les matelots. À la main gauche, Tartarin prenait un coup de poing à pointe de fer, à la main droite une canne à épée, dans la poche gauche un casse-tête, dans la poche droite un revolver. Sur la poitrine, entre drap et flanelle, un kris malais. Par exemple, jamais de flèches empoisonnées. Ce sont des armes trop déloyales. Avant de partir, dans le silence et l'ombre de son cabinet, il s'exerçait un moment, se fendait, tirait au mur, faisait jouer ses muscles. Puis, il prenait son passe-partout et traversait le jardin, gravement, sans se presser. « À l'anglaise, messieurs, à l'anglaise, c'est le vrai courage !» Au bout du jardin, il ouvrait la lourde porte de fer. Il l'ouvrait brusquement, violemment, de façon à ce qu'elle allât battre en dehors contre la muraille. « S'ils avaient été derrière, vous pensez quelle marmelade !» Malheureusement, ils n'étaient pas derrière. La porte ouverte, Tartarin sortait, jetait vite un coup d'œil de droite et de gauche, fermait la porte à double tour et vivement, puis en route. Sur le chemin d'Avignon, pas un chat. Porte close, fenêtre éteinte, tout était noir. De loin en loin, un réverbère, clignotant dans le brouillard du Rhône. Superbe et calme, Tartarin de Tarascon s'en allait ainsi dans la nuit, faisant sonner ses talons en mesure et du bout ferré de sa canne arrachant des étincelles au pavé. Boulevard, grande rue ou ruelle, il avait soin de tenir toujours le milieu de la chaussée. Excellente mesure de précaution qui vous permet de voir venir le danger et surtout d'éviter ce qui, le soir, dans les rues de Tarascon, tombe quelquefois des fenêtres. À lui voir tant de prudence, n'allez pas croire au moins que Tartarin eut peur. Non, seulement il se tenait sur ses gardes. La meilleure preuve que Tartarin n'avait pas peur, c'est qu'au lieu d'aller au cercle par le cours, il y allait par la ville. C'est-à-dire par le plus long, par le plus noir, par un tas de vilaines petites rues, au bout desquelles on voit le Rhône luire sinistrement. Le pauvre homme espérait toujours qu'au détour d'un de ses coupe-gorges, ils allaient s'élancer de l'ombre et lui tomber sur le dos. Ils auraient été bien reçus, je vous en réponds. Mais, hélas, par une dérision du destin, jamais, au grand jamais, Tartarin de Tarascon n'eut la chance de faire une mauvaise rencontre. Pas même un chien. Pas même un ivrogne, à rien. Parfois, cependant, une fausse alerte. Un bruit de pas, des voix étouffées. « Attention !» se disait Tartarin. Et il restait planté sur place, scrutant l'ombre, prenant le vent, appuyant son oreille contre terre à la mode indienne. Les pas approchaient. Les voix devenaient distinctes. Plus de doute, ils arrivaient. Ils étaient déjà là. Déjà, Tartarin, l'œil en feu, la poitrine haletante, se ramassait sur lui-même comme un jaguar et se préparait à bondir en poussant son cri de guerre. Quand tout à coup, du sein de l'ombre, il entendait de bonnes voix tarasconnaises l'appeler bien tranquillement. « T'es bien, c'est Tartarin. Eh, adieu, Tartarin. » Malédiction, c'était le pharmacien Bézuquet, avec sa famille qui venait de chanter la sienne chez les Costecalds. « Bonsoir, bonsoir. » grommelait Tartarin, furieux de sa méprise, et farouche, la canne haute, il s'enfonçait dans la nuit. Arrivé dans la rue du Cercle, l'intrépide Tarasconnais attendait encore un moment en se promenant de long en large, devant la porte avant d'entrer. À la fin, las de les attendre et, certain qu'il ne se montrerait pas, il jetait un dernier regard de défi dans l'ombre et murmura avec colère « Rien, rien, jamais rien ». Là-dessus, le brave homme entrait faire son bésigue avec le commandant.